Le crabiot par Madame de Coninck. Ouvrage adopté par la commission du ministère de l'Instruction publique pour les bibliothèques de quartier des lycées et collèges de garçons et de filles. Chez Antime, le matelot. Le capitaine Jacques, vieux loup de mer au teint hâlé par les intempéries et aux cheveux grisonnants, se rendait un jour à la cabane du matelot Antime Guerlain, qui avait déjà fait plusieurs voyages avec lui. Il comptait lui demander s'il voulait encore naviguer sous ses ordres et partir prochainement pour l'Australie. Lorsqu'il fut tout près de la pauvre demeure, il s'aperçut qu'une agitation inaccoutumée régnait aux alentours. Des commères entraient en bavardant, levant les bras au ciel et gesticulant avec animation. « Qu'y a-t-il ? » leur demanda le capitaine lorsqu'il fut auprès d'elles. « Est-ce qu'il est arrivé malheur à mon pauvre Antime ?»« Ah ! Pour ça oui, qu'il lui est arrivé un malheur, » reprit une vieille édentée, coiffée du classique bonnet de coton. « Quand on pense qu'il avait quatre si beaux garçons !»« Eh bien, est-ce qu'ils sont morts, ces garçons ?»« Morts. Et pourquoi donc ils seraient morts, les pauvres chérubins ?»« C'est sa femme, la mère Rose, qu'est si courageuse, qui vend du poisson au marché le matin et pêche de la rocaille sur la plage. » Mêmement qu'à 2 heures elle y était encore. Et c'est elle qui est morte? Interrompit le capitaine, impatienté de ce bavardage qui ne lui apprenait rien. En ça, pourquoi donc que vous voulez que tout le monde soit mort? Dit la vieille Normande en mettant ses poings sur ses hanches. C'est pas de mort qu'il s'agit, mais de naissance. La mère Rose vient d'avoir une fille, sa première fille. Alors les parents doivent être bien contents, dit le marin en se frayant un passage dans la maison. Le désespoir de Rose. Par l'ouverture de la porte, il avait aperçu Antime, assis près de la table de la cuisine, les coudes appuyés sur ses genoux et la figure cachée dans ses deux larges mains. Le matelot était si absorbé qu'il ne s'aperçut pas de la présence de son capitaine et celui-ci eut le loisir d'examiner ce qui l'entourait. Un petit feu de fagot était allumé dans la vaste cheminée. Une femme était assise devant et tenait sur ses genoux un enfant nouveau-né qu'elle emmaillotait. La porte qui donnait dans la pièce du fond était ouverte. On apercevait le lit où se trouvait Rose. Le capitaine remarqua avec étonnement que la pauvre femme sanglotait de tout son cœur et que personne n'essayait de la consoler. « Que veut dire ceci, mon brave Antime ? » demanda-t-il au marin en lui frappant sur l'épaule. « Je croyais vous trouver tout joyeux de posséder une petite fille, puisque vous n'avez que quatre vauriens de garçons. » Et vous voilà sombre comme une porte de prison, tandis que votre femme se désole comme si elle avait perdu père et mère. Je ne puis croire que ce soit seulement la venue d'un cinquième enfant qui vous rende si malheureux. En effet, capitaine, répondit Antime en soupirant, ce n'est pas un enfant de plus qui m'aurait effrayé. Si ces petits mioches donnent de la peine et mangent plus qu'ils ne valent pendant bien des années, plus tard, ils se tirent d'affaire et même viennent en aide aux vieux parents. Mais cette créature-là, à quoi voulez-vous que jamais elle soit bonne ? En disant ces mots, il se leva, se dirigea vers la femme et écarta brusquement les langes de l'enfant. Le capitaine Jacques vit alors deux pauvres petites jambes toutes tordues et recourbées l'une sur l'autre, de telle façon qu'il paraissait impossible qu'elle pût jamais supporter le poids de l'enfant, et encore moins lui servir pour marcher. Le brave marin, tout endurci qu'il fut, sentit les larmes lui venir aux yeux à cette vue. Il eut de la peine à éclaircir assez sa voix pour dire au père affligé « Certainement, c'est bien fâcheux pour cette pauvre mignonne. Mais enfin, une fille n'a pas absolument besoin de ses jambes. Voyez, elle a une gentille petite mine et des bras et des mains qui ne laissent rien à désirer. Avec cela, elle pourra encore se rendre bien utile. » Et un jour viendra peut-être où vous ne regretterez pas de l'avoir pour fille. Je crois plutôt, dit la femme avec la brutale franchise des gens du peuple, que c'est une triste vie que celle qui attend cette pauvre poulotte. Sans compter, reprit la vieille au bonnet de coton, qu'elle sera toujours une charge pour ses parents et une bouche inutile à nourrir, comme s'il n'en avait pas déjà bien assez sans elle. Le capitaine fronça les sourcils et lâcha un gros juron. « Ah, ça ! Aurez-vous bientôt fini de décourager ces pauvres gens ?» Puis se tournant vers Ontime, « Moi je te dis, mon brave, que je suis sûr que cette petite deviendra une bénédiction pour tous. Et pour te prouver que j'ai confiance en son avenir, je te propose d'être son parrain. Cela te va-t-il ? Si cela me va, capitaine, en vérité, vous êtes trop bon. Eh bien, viens consoler ta femme. Demande-lui son autorisation. Et si elle la donne, nous nommerons la petite Jeanne. Comme ma digne mère, cela lui portera bonheur. » Le sourire reparut sur les lèvres pâlies de Rose lorsqu'elle apprit la proposition du capitaine. Elle lui promit de lui choisir une jolie commère et de lui faire savoir le jour fixé pour le baptême. Il lui semblait que sa petite estropiée n'était plus déshéritée puisqu'elle avait un monsieur bien instruit pour parrain. Peu de jours après le baptême, le capitaine Jacques partit pour un long voyage, ayant à son bord le matelot Antime. La petite Crabby. Lorsqu'ils revinrent, plus d'un an après, le capitaine resta fort peu de temps, fut très occupé et ne pensa pas à sa filleule. Antime fut peu flattée en la voyant. Elle avait une grosse tête, avec des yeux fort écartés, un nez retroussé, une grande bouche et un teint pâle. Ses jambes ne s'étaient pas redressées et elle rampait à terre en se servant de ses deux mains. Naturellement, elle usait et salissait tous ses vêtements. Alors sa mère avait inventé de couper un grand rond dans de la toile à sac, d'y faire une coulisse et de serrer cette coulisse autour de la taille de l'enfant, de sorte que son corps formait une grosse boule grisâtre. Ses bras assez longs et assez minces, cette manière de ramper de côté avec vivacité, tout cela lui donnait une ressemblance frappante avec un crabe. Ses frères n'avaient pas manqué de le remarquer. Ils l'avaient d'abord appelée la petite Crabby, puis en avaient fait le Crabiot. Et le sobriquet avait été si généralement adopté qu'on avait tout à fait oublié son joli nom de Jeanne. Si la petite créature eût été douce, bonne et caressante, elle eût été aimée malgré son extérieur peu séduisant, et son infirmité lui eût attiré la sympathie de ses proches, en raison même de la pitié qu'elle leur inspirait. Malheureusement, à mesure qu'elle avançait en âge, car hélas pour elle, on ne pouvait pas dire qu'elle grandissait, son caractère se montrait sous un jour peu favorable. Elle était vive, adroite, intelligente, mais en même temps irritable, fantasque, colère. Son père, qui ne la voyait que de loin en loin, et pour peu de temps, ne put jamais s'habituer à elle, ni perdre ce sentiment qu'elle serait toujours une charge pour sa famille et une bouche inutile à la maison. Sa mère l'aimait certainement, Tant qu'elle avait été toute petite, elle l'avait admirablement soignée. Mais plus tard, elle eut encore deux autres garçons forts et bien constitués. Et sa besogne augmenta tellement qu'elle n'eut plus le temps de s'occuper d'elle. Elle la laissa donc ramper des journées entières sur le sable de la grève, sans s'inquiéter de ce qu'elle devenait. Il avait été inutile de lui défendre d'aller dans la ville, car une fois elle l'avait essayé, et cela lui avait si mal réussi qu'elle n'avait plus été tentée de recommencer. En moins de rien, elle s'était vue entourée d'une troupe de gamins qui la montraient au doigt en se moquant d'elle, et de chiens qui jappaient et essayaient de la mordre. Un chiffonnier qui passait en eut pitié. Il la prit, la mit dans sa hotte et la reporta chez ses parents, qu'il connaissait un peu. Une farce cruelle. Les frères du pauvre Crabiot étaient des garçons rudes et mal élevés, qui souvent la tourmentaient. Alors, elle se mettait dans de violentes colères, et quand elle pouvait les attraper, elle leur pinçait les jambes de toutes ses forces en leur disant « Tenez, puisque vous m'appelez crabe, je vais me défendre comme un crabe. » Lorsqu'elle ne pouvait réussir à se venger de cette manière, elle en inventait d'autres qui étaient assez originales. Un jour qu'ils s'amusaient tous sur la grève à pêcher des équilles, petit poisson qui se faufile dans le sable et qu'on prend en creusant des trous. Florentin lui prit un bel os de seiche qu'elle venait de trouver et se sauva avec en riant de sa colère. Les autres garçons, Eugène et Adolphe, au lieu de prendre parti pour leur sœur et de lui faire rendre son bien, se moquèrent des vains efforts qu'elle faisait pour attraper Florentin, et de sa maladresse lorsqu'elle voulut lui lancer des pierres. Ils finirent même par jeter du sable mouillé à la pauvre petite, et animés par le jeu, ils eurent la méchanceté de la mettre dans un des trous qu'il venait de creuser et d'amasser du sable autour d'elle jusqu'à ce qu'on ne vit plus sortir que sa tête. « Ah, si Pierre était là !» disait-elle en sanglotant. Pierre était l'aîné de la famille, un beau garçon de 15 ans. Il avait toujours aimé et protégé sa petite sœur. Lorsqu'elle n'était encore qu'un tout jeune bébé, sa mère la lui confiait et il la promenait dans ses bras pendant de longues heures. Plus tard, il en conserva l'habitude. Et quand il savait que c'était un jour de grande marée et que le sable serait découvert très loin, il lui disait « Allons, Crabiot, viens sur mes épaules. Je vais te mener voir le beau jardin du fond de la mer. » Et tous deux partaient et allaient admirer les grandes actinies ou anémones de mer aux brillantes couleurs, les astéries ou étoiles d'un beau rouge orangé, les doris qui ressemblent à de petits lapins blancs avec une fleur au lieu de queue, et une masse d'autres petits animaux qui échappent à l'observation du vulgaire, mais qui sont jolis et bizarres. Ah! C'était là de bons jours pour la petite déshéritée. Son cœur se réchauffait et devenait meilleur au contact du cœur aimant de son frère. Hélas, il n'était plus là ce bon frère, ce cher protecteur. Il venait de partir comme mousse pour son premier voyage. Les autres n'étaient pourtant pas assez méchants pour abandonner leur sœur, au risque de la voir noyée par la marée montante. Ils voulaient seulement la tourmenter un peu. Ils se cachèrent derrière une cabane pour voir ce qui lui arriverait. Avec des efforts inouïs et beaucoup de patience, le crabiot finit par dégager un bras, et puis l'autre. Alors elle repoussa avec ses mains le sable qu'il lancerait et se traîna hors du trou. Mais dans quel triste état elle était! Toute sale, toute mouillée. Elle se coucha sur les galets pour se sécher. Et les gamins, la voyant en sûreté, s'esquivèrent pour aller pêcher la crevette et ne reparurent à la maison qu'à l'heure du souper. Ils n'étaient pas sans inquiétude, craignant que la petite ne se fût plainte à leur mère et que celle-ci ne les corrigeât. À leur grand étonnement, ils furent reçus comme de coutume. La vengeance du crabiot. Le crabiot, actif et souriant, rampait avec sa vivacité habituelle dans la chambre. Son frère Pierre lui avait arrangé une chaise basse sur laquelle elle pouvait se hisser elle-même. Ce jour-là, il lui prit fantaisie de se mettre dans une chaise plus haute, et elle pria Florentin de l'aider. Quelques instants après, celui-ci mit sa main dans sa poche et poussa un cri de douleur. Il retira vivement sa main, après laquelle était attaché un petit tourteau qui le pinçait de toutes ses forces. « Qui est-ce qui m'a mis cela dans ma poche? » dit-il en colère. « Je suis sûr que c'est ce méchant démon de crabiot. « Pourquoi accuses-tu ta sœur de cela? » demanda sa mère rudement. Et comme il ne voulait pas dire ses raisons, il retira son doigt meurtri des pinces de l'animal et n'osa rien faire à la petite, qui riait sous cape. Les deux plus jeunes enfants et le crabiot couchaient dans la même chambre que leurs parents. Mais les trois aînés avaient un grand lit dans une petite pièce sombre. Ce soir-là, dès qu'ils voulurent mettre leurs jambes sous les couvertures, on les entendit pousser des cris d'effroi, des exclamations, et demander avec insistance qu'on leur apportât de la lumière. Rose, impatientée de tout ce bruit, finit par arriver avec un bout de chandelle allumée. « Qu'est-ce qu'il y a ? » demanda-t-elle. « Êtes-vous fou ?»« Oh, mère, il y a toutes sortes d'horreurs dans notre lit. C'est froid, c'est gluant. C'est dégoûtant. Moi, dit le petit Eugène, tout tremblant, j'ai enfoncé mon pied et il a touché une boule froide. Je crois que c'est une tête de mort. Qu'est-ce que vous me chantez là? Reprit la bonne femme. J'ai fait moi-même votre lit et il n'y avait rien. Et vivement, elle relève la couverture et éclate de rire. La prétendue tête de mort était une grosse méduse. Il y en avait deux, plus petites, à moitié fondues, et au moins 6 ou 8 astéries ou étoiles de mer qui rampaient sur les draps. « Ah ça !» continua-t-elle, « qui est-ce qui a mis toutes ces cochonneries-là dans votre lit? On dirait que tous les habitants de la mer s'y sont donné rendez-vous. Voilà un Bernard l'ermite et des coquillages avec des bêtes dedans. Vos draps sont dans un bel état, mouillés, pleins de sable. Mais tant pis pour vous, vous les garderez ainsi. Bien sûr que c'est ce vilain monstre de crabiot qui nous a joué ce mauvais tour, dit Adolphe d'un air piteux. Bête, comment veux-tu que ce soit le crabiot? Puisque la pauvrette ne peut pas seulement arriver à la hauteur de votre lit. Allons, couchez-vous et que je n'entende plus rien. Tiens, crabiote, te voilà là aussi, ajouta la mère Rose en se retournant. Je te croyais profondément endormie. Vite, retourne à ton lit. Florentin implore le pardon de sa sœur. Le lendemain matin, autre concert de cris. Adolphe et Eugène, enfourant brusquement leurs pieds nus dans leurs sabots, s'étaient sentis piqués par des cordures. Ils les secouèrent et il en tomba des oursins ou châtaignes de mer, toutes garnies de leurs piquants. Florentin, le plus paresseux des trois, était encore au lit. Il riait en voyant ses frères panser leurs pieds égratignés et se promettait d'examiner ses sabots avant de les mettre. Il se lève enfin, secoue ses chaussures. Il n'y avait rien dedans. Seulement, lorsqu'il veut enfiler les jambes de son pantalon. Impossible. Ses pieds ne peuvent passer. Le bas de la jambe est grossièrement, mais solidement cousu, et l'effort qu'il fait en les enfilant lui fait perdre l'équilibre et tomber à la renverse. Allons, Florentin, paresseux, crie la mère depuis la chambre voisine. Si tu n'arrives pas, je donne ta part de soupe au petit. Je ne peux pas mettre mon pantalon, maman, viens m'aider, je t'en prie. Allons donc. Es-tu devenu un petit bébé pour ne pas savoir t'habiller seul? Je n'ai pas le temps de t'aider. Je pars pour la ville. Je suis déjà en retard. Florentin s'assit par terre d'un air piteux et essaya de découdre ce grossier surjet. Mais le fil était fort et il n'avait ni couteau ni ciseaux. Quant à mettre une autre culotte, il n'y fallait pas songer. C'était déjà beaucoup quand chacun des garçons en avait une entière. Et lorsqu'il y avait quelques réparations à y faire, le propriétaire restait au lit jusqu'à ce qu'elle fût terminée. Après bien des essais infructueux, le garçon alla dans la chambre commune où il ne trouva plus que sa sœur. Tous les autres étaient partis, chacun de son côté. « Ah, crabiot !» « Malin crapiot, dit-il en la menaçant du doigt, c'est toi qui nous as joué tous ces mauvais tours. Cependant, écoute, je te pardonne si tu veux m'aider à découdre le bas de mon pantalon. » La petite mit ses mains derrière son dos et dit d'un ton dolent, « Les crabes ne savent ni coudre ni découdre. » « Dis-moi au moins où sont les ciseaux de maman et je le ferai moi-même. »« Je ne sais pas. Peut-être dans la boîte à sel. » Florentin y court, mais non, il n'y a rien. « Voyons, ma petite sœur, je t'en prie, aide-moi. Je ne puis sortir ainsi. » Et en effet, il avait une drôle de mine avec sa chemise très courte et peu propre. Et ses longues jambes nues. Si tu veux m'aider, reprit-il, je te rendrai l'os de sèche et je te donnerai une belle coquille. L'enfant branlait la tête sans répondre. Voyons, que veux-tu que je te donne? Dis-moi seulement où sont les ciseaux et je ferai ce que tu voudras. Tu feras « tout ce que je te dirai ?»« Oui, tout, je te le promets. »« Eh bien, mets-toi là, à genoux, à mes pieds, et dis-moi, ma jolie petite Jeanne, je ne te tourmenterai plus. » Le gamin avait si bonne envie de pouvoir aller jouer avec ses frères qui lui fait quelque chose de bien plus difficile que cela. Il s'exécuta donc et le crabiot, le repoussant d'un air dédaigneux, dit « Là, je suis satisfaite. Je me suis entendue une fois appeler Jeanne. C'est tout ce qu'il me faut. » Et elle tira les ciseaux de dessous elle et, en quelques minutes, ses doigts agiles eurent défait l'ouvrage qu'elle avait pris tant de peine à exécuter. Le retour du capitaine. De pareilles scènes la faisaient craindre par ses frères, mais ne la faisaient pas aimer. Aussi ne voulait-il presque jamais jouer avec elle, même au jeu auquel la pauvre enfant pouvait jouer. Il est vrai que ces jeux n'étaient pas nombreux, puisqu'elle ne pouvait ni sauter, ni courir, ni atteindre aucun objet un peu élevé. Elle passait donc sa vie à ramper sur le sable, sans autre compagnie que les animaux marins qui peuplent nos grèves normandes. Sa principale distraction était de penser à son frère Pierre, de désirer passionnément son retour, et de se représenter toutes les caresses qu'il lui ferait. tous les plaisirs qu'il lui procurerait. Ils iraient encore ensemble explorer le jardin du fond de la mer. Il la ferait baigner. Il la percherait encore sur cette pierre couverte de moules, d'où une fois elle avait aperçu un combat entre un poulpe ou pieuvre et un gros congre. Le poulpe était collé contre un rocher et roulait et déroulait ses 8 tentacules. Le congre avait vivement saisi une de ses tentacules et avait imprimé à son corps un mouvement de rotation, de manière à arracher cette tentacule comme un dentiste arrache une dent. Il l'avait avalée et était revenu à la charge, jusqu'à ce que la pauvre pieuvre eût été entièrement dévorée. Ce drame avait autant intéressé le crabiot que si cela eût été la plus belle pièce de théâtre. Quand Pierre serait revenu, elle en verrait bien d'autres. Puis, qui sait? Peut-être qu'il consentirait à la mener à la ville en la portant dans ses bras. Avec lui, elle n'aurait peur ni des chiens, ni des gamins. Oh! S'il pouvait être ici pour le moment de la foire, et s'il la menait voir les parades devant les théâtres. Ses frères en avaient raconté tant de nouvelles et en parlaient si souvent. Pendant ce temps, le capitaine Jacques naviguait. Naviguait et ne revenait pas à sa ville natale. Il faisait le cabotage entre l'Inde et la Chine, c'est-à-dire qu'il portait des marchandises d'un de ces pays à l'autre. Ce climat si chaud finit par épuiser son robuste tempérament, et il fut obligé de revenir en Europe et de cesser de naviguer pendant quelque temps. Il s'établit donc en Normandie, dans la ville où se passe notre histoire. Il aimait toujours la mer et loua une petite chambre aussi près de la plage que possible. Il était si faible, si souffrant, qu'il pouvait à peine marcher. Et son plus grand plaisir était de venir s'asseoir sur une pointe de rocher d'où il pouvait voir le mouvement du port, les navires qui entraient et sortaient, les grands oiseaux de mer qui rasent l'eau de leurs longues ailes et saluaient la tempête de leurs cris discordants. Et enfin, le spectacle toujours nouveau, toujours varié, toujours splendide, de l'océan, tantôt calme, tantôt furieux. Le sauvetage. Un jour qu'il était assis à sa place favorite et qu'il regardait des lames assez fortes qui déferlaient les unes par-dessus les autres, il aperçut au loin sur le sable un être bizarre qui se traînait et avançait avec assez de rapidité. Il fut pendant quelque temps à se demander si c'était un animal ou un être humain. Enfin, il reconnut une tête d'enfant et s'étonna qu'on pût laisser seule sur la plage une pauvre petite créature assez jeune pour ne pas savoir marcher seule. J'espère que son instinct lui dira de ne pas aller dans l'eau et que les vagues lui feront peur, car il s'en approche bien près. Oh, mon Dieu! En voilà une qui l'a atteint et mouillé. Il faut que j'aille à son secours. Et le brave capitaine, oubliant ses douleurs, se mit à courir vers l'endroit où l'enfant se débattait dans les flots. Déjà, plusieurs vagues l'avaient entraîné et rejeté de nouveau, lorsque le marin arriva. Il s'avança dans l'eau jusqu'à la ceinture et réussit à le repêcher. Il resta un instant stupéfait devant l'être étrange qui gisait à ses pieds. La tête et les bras annonçaient une fillette de 8 à 9 ans. Mais le reste du corps était fort petit et enfermé dans un sac de grosse toile grise. La pauvre enfant avait perdu connaissance. Il se mit à la frotter, à défaire ses vêtements mouillés, et alors il aperçut 2 pauvres jambes toutes menues, toutes faibles, tordues et contournées. Aussitôt, un souvenir traversa sa mémoire. Il avait déjà vu des jambes semblables à un bébé dans une pauvre chaumière. Il se rappelait maintenant ce bébé. Il avait proposé d'en être le parrain. Cette pauvre petite noyée, c'était sa filleule. Un enfant qu'il avait promis d'élever, et depuis il l'avait oubliée. Il n'avait rien fait pour elle. Il la prit dans ses bras et l'emporta dans sa maison. En route, elle reprit ses sens et gémit tristement. Il la posa sur son lit, la déshabilla tant bien que mal et l'enveloppa dans sa couverture. Alors, il alluma du feu, étendit ses pauvres hardes devant et alla chercher un peu d'eau-de-vie qu'il voulut lui faire avaler. Elle le repoussa et se mit à sangloter en lui disant « Oh, pourquoi ne m'avez-vous pas laissé aller chercher Pierre ? Mon bon Pierre, mon cher frère. « Que veux-tu dire, mon enfant ? » demandait le capitaine tout ému. « Tu n'allais pas vers ton frère, tu allais au fond de la mer. Tu te noyais. » Il est noyé, mon bon Pierre. Reprit la petite avec une nouvelle explosion de douleur. Il est noyé. Et il n'y avait que lui qui m'aimait. Je veux me noyer aussi. Je veux mourir pour aller avec lui. Pauvre enfant, reprit le marin d'une voix caressante. Tu n'as donc ni père ni mère ? Si. Mais quand papa est venu nous dire ce matin que le navire où était mon frère avait péri, il m'a regardé et a dit « Pourquoi n'est-ce pas plutôt celle-ci ?» Et quand j'ai voulu embrasser maman, elle m'a repoussée. Il ne m'aime pas. Personne ne m'aime. Je ne suis bonne à rien. Je serai toujours une charge pour eux. Il vaut bien mieux que je meure. Laissez-moi. Laissez-moi aller rejoindre mon bon Pierre. » Et elle faisait des efforts pour se débarrasser de la couverture et descendre du lit. Le vieux loup de mer était bien embarrassé. Le désespoir de cet enfant le navrait. Et il ne savait que dire pour rattacher à la vie ce pauvre petit être dont les sanglots lui fendaient le cœur. Enfin, saisi d'une inspiration soudaine, il lui dit « Ma pauvre petite, tu sais pourtant bien que Pierre n'est pas resté au fond de la mer. Je le sais bien. Je le sais bien, mais je ne veux pas vivre sans lui. » Si, mon enfant, tu dois vivre pour tes parents, pour les aider à nourrir tes frères et tes sœurs. Tout cela n'était pas très clair pour le pauvre crabiot. Cependant, après un instant de réflexion, elle demanda « Est-ce que j'ai une besogne à faire ? Je ne suis bonne à rien, je n'ai pas de jambes. Mais tu as des bras, ma petite Jeanne, une tête. » De l'intelligence, un cœur aimant. Vous m'appelez Jeanne, s'écria la pauvre petite estropiée, et un sourire radieux illumina son visage. Vous savez que c'est mon nom? Vous me connaissez donc? Alors, le vieux marin lui raconta comment le hasard l'avait conduit dans la cabane de ses parents le jour même de sa naissance. Comment il s'était lui-même offert pour être son parrain, et enfin comment, étant resté longtemps sans revenir, il l'avait oublié et ne l'avait reconnu qu'à son infirmité. Le rouge lui monta au visage en faisant cet aveu et il se hâta d'ajouter « Il faut maintenant que tu m'aides à réparer ma faute, car j'en ai fait une grande en te négligeant, quand j'avais promis de te protéger. Vois-tu, je suis malade. » Je ne connais plus grand monde ici. Souvent, je suis seule et je m'ennuie. Il faut que tu me promettes de ne plus chercher à te noyer et de venir tous les jours me trouver sur la plage. Nous causerons. Tu m'aideras ainsi à passer le temps et tu me débarrasseras d'un remords. Tu vois bien que déjà tu seras très utile. Et vous m'aimerez ? Sans doute, je t'aime déjà. Et vous croyez que j'ai été mise sur la terre pour essayer de vous désennuyer? Pas pour cela seulement, répondit le capitaine en riant. Tu as bien d'autres devoirs à remplir envers tes parents et tes frères. Tu dis qu'ils ne t'aiment pas. Mais c'est probablement ta faute. Lorsque tu m'auras raconté ta vie, nous chercherons ensemble quels sont ses devoirs. Pour le moment, remets tes vêtements, les voilà secs, et retourne chez toi. Ta mère doit commencer à s'inquiéter de ton absence, et il ne faut rien ajouter à son chagrin. Elle doit déjà être assez malheureuse. Lorsque le crabiot fut prête, le capitaine lui fit encore promettre de ne plus chercher à se tuer. Je veux bien vivre, dit-elle avec résignation, puisque vous me dites que je pourrais n'être pas toujours une bouche inutile. Les conseils du parrain. Le capitaine Jacques suivit sa filleule des yeux et vit sa mère venir à la porte et se baisser vers la petite. Il lui sembla même qu'elle l'embrassait. Plus tranquille, il rentra chez lui et attendit impatiemment le lendemain. À l'heure convenue, le parrain et la filleule se trouvèrent sur la plage. Le capitaine s'assit sur une grosse pierre et le crabiot se nicha à ses pieds comme un chien près de son maître. Elle raconta que, la veille, sa mère s'était étonnée de sa longue absence en ce jour de deuil, qu'elle l'avait reçue plus affectueusement que d'habitude et qu'avant de se coucher, toutes deux avaient longuement parlé du pauvre Pierre, de ce beau et bon garçon que tous regrettaient si amèrement. « Tu vois bien que ta mère t'aime, dit le marin. Je suis sûre qu'elle aurait eu autant de chagrin de ta mort que celle de ton frère. Si elle ne te le montre pas, si elle ne te caresse pas, n'est-ce pas un peu de ta faute? Es-tu toi-même aimable et caressante pour elle? Cherches-tu à lui rendre quelque service? Oh mon parrain, croyez-vous vraiment qu'un crabiot puisse être aimable et rendre des services? Vous m'en avez déjà parlé hier, et j'y ai tant pensé depuis. Sans doute, je le crois. Ne pourrais-tu pas faire la soupe à la place de ta mère qui est toujours si occupée? Coudre et raccommoder les vêtements de tes frères. Ne crois-tu pas aussi que si ceux-ci te voyaient douce, aimable, complaisante, ils ne finiraient pas par t'aimer? Et alors tu pourrais avoir une bonne influence sur eux, les rendre plus sages. Tout cela serait bien utile. J'ai peur que cela ne soit trop difficile. Oh, mon parrain, si vous pouviez m'aider. Le capitaine, sans lui répondre, s'écria tout à coup. Tiens, regarde là-bas dans ce tas de varech, qu'est-ce qui remue? C'est un Bernard l'ermite, mon parrain. Avec sa coquille. C'est-à-dire, avec une coquille qui a appartenu à un autre animal et dont il s'est emparé. Prends-le et ôte-le tout doucement de sa maison. Vois comme sa queue est molle et quel bon régal elle ferait pour les crabes et les tourteaux. Vois aussi comme elle se contourne tout juste pour être bien à son aise. Dans la coquille de Bussin. La partie du corps de l'animal qui reste en dehors de la maison est dure et n'a rien à craindre des pinces de ses ennemis. Eh bien, dis-moi, maintenant, puisque la nature a eu soin de fournir une maison si commode au pauvre petit Bernard, ne crois-tu pas qu'elle s'occupe aussi de la petite crabiote? Oui, je le crois. Je vaux pourtant autant que le Bernard l'ermite, qui est vorace et batailleur. Je tâcherai de devenir utile et de faire que l'on m'aime. Dis-moi, Jeanne, sais-tu lire? Non. Pierre m'avait promis de me l'apprendre quand il reviendrait. Mes deux petits frères Honoré et Maximin vont à l'école. Moi, je ne puis y aller, on se moquerait de moi. Et tes autres frères n'y vont pas? Non. Maintenant, ils aident maman à pêcher et à porter son poisson au marché. Aimerais-tu apprendre à lire et à écrire? Oh! Oui, j'en serais bien heureuse. Leçon de lecture et d'écriture. Le lendemain, lorsque la petite arriva au lieu du rendez-vous, elle était radieuse. Elle avait fait la soupe avant l'arrivée de sa mère, de sorte que celle-ci avait pu se reposer au lieu de se remettre tout de suite à la besogne. Elle en avait paru très contente. Et les garçons avaient trouvé la soupe excellente. Et le crabiot, une très bonne cuisinière. Pour le souper, elle comptait leur faire la surprise d'un bon plat d'étrilles qu'elle irait elle-même chercher sur la plage. Elle avait aussi commencé à raccommoder ses habits. De son côté, le capitaine s'était procuré un abécédaire. Et il se mit de suite à apprendre les lettres à l'enfant. Heureusement que l'élève était très intelligente et qu'elle avait bien envie d'apprendre, car le professeur était peu expérimenté. Pauvre capitaine Jacques, si on lui avait dit peu de temps auparavant qu'il se ferait le professeur d'une petite fille infirme et déguenillée, il n'eût jamais voulu le croire. Les premières leçons d'écriture se firent sur le sable uni de la grève pour cahier. Le parrain traçait de grosses lettres avec le bout de sa canne, et la filleule les imitait de son mieux. Après, pour se reposer et se distraire, on explorait les flaques d'eau et les rochers habituellement couverts par les flots, afin de trouver des animaux bons à manger ou seulement curieux à examiner. Le crabiot était là dans son élément. Elle avait toujours vécu au milieu de toutes ces bestioles. Elle connaissait les endroits où l'on devait chercher chacune d'elles. Naturellement, elle était convaincue que son parrain savait tout au monde, et souvent elle lui faisait des questions qui l'embarrassaient fort, car il était bien loin d'être un savant, et surtout, il ne s'était jamais occupé d'histoire naturelle. Un jour, elle lui apporta une pierre fort dure dans laquelle se trouvait une coquille allongée à deux valves qu'on nomme folade ou dèle. Comment a-t-elle pu se mettre dans cette pierre? Lui demanda-t-elle. Voyez, je ne peux pas l'en retirer. L'ouverture est trop étroite. Est-ce la coquille elle-même qui s'est creusée cette petite maison tout à fait de la même forme qu'elle? La science du capitaine était complètement en défaut. Il ne pouvait lui-même comprendre comment une bête absolument molle, revêtue d'une coquille très fragile, pouvait percer un corps aussi dur. Il rougit sous son hâle, car il n'aimait pas à avouer son ignorance, et promit à la petite de lui répondre le lendemain. Les études du capitaine. Décidément, se dit-il en retournant chez lui, il faut que je m'instruise si je veux instruire cette petite. Pour cela, il faut des livres. Où pourrais-je en trouver? Car je ne possède que quelques vieux romans. Il mangeait dans une pension bourgeoise avec quelques anciens amis. Il leur demanda s'ils étaient mieux montés que lui en livres instructifs. Pas beaucoup, mais ils lui donnèrent une bonne idée. À la bibliothèque de la ville, il trouverait toute espèce de livres d'histoire naturelle ou autre, et il pourrait les consulter gratis. Depuis ce moment, il passa toutes ses matinées à apprendre et toutes ses après-midi à enseigner, ce qui est encore la meilleure manière d'apprendre. Il étudia d'abord par dévouement pour sa filleule, mais bientôt il y prit le plus vif intérêt, et le temps, loin de lui paraître long comme auparavant, lui semblait toujours trop court. Pour ce qui regardait l'histoire naturelle des animaux marins, il lui arrivait quelquefois d'humiliants mécomptes. Le bon sens et l'esprit d'observation de sa filleule battaient sa jeune science. Il en fut ainsi pour les folades, lorsqu'après bien des recherches, il vint lui dire qu'on supposait que la bête sécrétait une liqueur mordante et acide qui rongeait le bois ou la pierre dans laquelle elle se trouvait. La petite branla la tête et dit: « Comment donc? Serait-elle si bonne à manger si elles avaient cette liqueur? Et comment l'eau de mer ne l'emporterait-elle pas? Donnez-moi un peu votre main, mon parrain. Elle tenait dans la sienne une valve de folade. Elle lui frotta vivement le doigt avec cette coquille. Le capitaine se mit à crier. Tu m'écorches, petite méchante. Tu m'as enlevé la peau du doigt. Cette coquille est une vraie lime. Eh bien, puisqu'elle use si bien votre doigt qui est déjà pas mal dur, je crois que c'est comme ça qu'elle use la pierre pour faire son trou. À mesure qu'elle grandit, elle se tourne et retourne. Et cela use toujours plus les murs de sa maison. Tu as parbleu raison, petite. Et c'est savant au tort. Il est évident que l'œuf se loge dans un petit trou à la surface de la pierre et que la petite bête commence son œuvre dès qu'elle est née et continue à agrandir son trou jusqu'à ce qu'elle meure. Parbleu, oui, mon parrain. Comment, mademoiselle Jeanne? Vous dites parbleu? N'est-ce pas un joli mot? Vous le dites bien. Est-ce qu'il ne faut pas dire non plus c'est savant? Non, sans doute. Et voilà le vieux marin qui lui fait une explication embrouillée sur les mots qui sont convenables pour les marins et pas pour les petites filles. Et tout en s'embrouillant, la conviction lui vient qu'il faut qu'il se déshabitue de jurer. Chose difficile à son âge et quand on en a une si longue habitude. Mais il sent qu'il doit donner le bon exemple à sa filleule. Ainsi, il essaiera. Jeanne et son parrain fabriquent des bateaux. À mesure que l'automne avançait, les jours de mauvais temps devenaient plus nombreux. On ne pouvait plus prendre les leçons sur la plage et le crabiot rampait jusqu'à la chambre du capitaine. Les occupations devenaient donc forcément un peu différentes. L'encre, la plume et le papier avaient remplacé le sable humide et le bout de la canne, et au lieu d'aller à la chasse aux étrilles et aux patelles, le marin fabriquait des petits navires. La première fois que Jeanne l'avait vu avec une grosse aiguille à la main, essayant d'ourler ses voiles, elle s'était mise à rire comme une folle de son air gauche et maladroit. Elle lui proposa aussitôt de faire cette besogne et même de nouer tous les cordages, toutes les échelles de cordes, et de l'aider à peindre les coques des bateaux. Elle s'en tira si bien. Ses petits doigts faisaient si facilement tout ce qu'il voulait que son parrain eut l'idée de lui donner des petites poupées, de la toile bleue, du calicot blanc, et de lui faire habiller des petits marins pour les mettre sur ses navires. Ce travail les amusait autant l'un que l'autre, et à la fin de l'hiver, ils eurent une collection de trois mâts, côtres, lougres, chasse-marée, picoteurs, avec leurs équipages et même des passagers. Un jour, le crabiot ne vint pas. C'était la première fois qu'elle manquait sa leçon. Le capitaine s'en inquiéta, et le lendemain, lorsqu'il entendit sonner l'heure habituelle sans la voir paraître, il prit sa canne et son chapeau et se rendit à la cabane de ses parents. Là, un spectacle à la fois triste et consolant vint s'offrir à ses yeux. Antime avait été rapporté la veille avec une jambe cassée. Il était tombé en chargeant le navire sur lequel il devait s'embarquer. Il était étendu triste et pâle sur un lit. Dans l'autre était la pauvre mère Rose qui venait d'avoir encore un petit garçon. Son dernier avait 6 ans. Elle croyait bien en avoir fini. Et voilà qu'il lui arrivait encore ce 8e enfant. Et ce qu'il y avait de pis, c'est qu'elle était fort malade. Au milieu de tout cela, le petit crabiot rampait, vive et affairée, donnant du bouillon à sa mère, arrangeant la jambe à son père, changeant le bébé. On voyait qu'elle était devenue l'âme de la maison. Elle poussa un cri de joie en apercevant son parrain qui la considérait depuis quelque temps sans qu'elle l'eût vu. « Voyez, dit-elle, voyez comme ce poulot ressemble à Pierre. Mes parents consentent à ce qu'il s'appelle Pierre aussi, au lieu d'avoir un beau nom comme mes autres frères. Et il sera mon enfant. Je le soignerai et je l'aimerai tant qu'il m'aimera bien à son tour. Nous t'aimons tous beaucoup, ma crabiote, dit son père, et je ne sais vraiment pas ce que nous ferions sans toi. Oh, capitaine, dit-il en se tournant vers lui, que de reconnaissance nous vous devons. Comme cette enfant a changé depuis que vous vous occupez d'elle. C'est elle qui fait la cuisine, qui coud, lave, repasse, et elle fait tout cela si vite et si bien. Elle nous est bien utile. Vous ne me devez aucune reconnaissance, car la petite m'a fait autant, si ce n'est plus de bien, que je ne lui en ai fait. Je vivais comme une bête, sans être utile à personne, sans m'intéresser à rien. Et elle m'a donné le goût de l'instruction. Pour l'instruire, j'ai dû m'instruire. Vous l'avez tout de même rendue bien instruite, reprit encore le père, et c'est plaisir d'entendre les belles histoires qu'elle raconte à ses petits frères tout en cousant, et de voir comme elle sait bien les faire tenir tranquilles. Aussi, ils lui obéissent mieux qu'à la mère qui crie pourtant bien fort. Le capitaine promit à ses hôtes de venir les voir tous les jours tant qu'ils ne seraient pas guéris. Une idée lumineuse. Il ne tarda pas à s'apercevoir que la plus grande gêne régnait dans la maison et que la mère ne se rétablissait pas parce qu'elle n'avait pas une nourriture assez substantielle. Il glissa quelques pièces de 20 sous dans la main du crabiot, mais hélas, il n'était pas riche. Il vivait d'une petite rente qui suffisait à peine à ses besoins. Se disait-il en s'arrachant presque les cheveux, pourquoi ai-je été assez enfant pour acheter toutes ces fournitures pour faire mes navires et toutes ces petites poupées? Si j'avais cet argent, il le serait bien utile. Mais une idée. Ces navires sont charmants si je pouvais les vendre. Le lendemain, en entrant chez Antime, il était radieux. Il laissa tomber 20 francs sur les genoux de sa filleule en lui disant « Tiens, Jeanne. Tiens, Crabiot, c'est toi qui les as gagnés bien plus que moi. » Et le marchand a dit qu'il voulait bien acheter tout ce que nous ferions. « Que dites-vous ? » s'écria la petite, ne pouvant en croire ses oreilles. « Vous avez vendu les navires, nos beaux navires, et on vous a donné tout cet argent-là, de l'or. » « Oui, et tu pourras en gagner bien d'autres. » Il a trouvé les petites poupées si bien habillées qu'en voilà une douzaine d'un peu plus grandes qu'il t'envoie pour en faire aussi des petits matelots. Il te donne l'étoffe et tu auras 50 centimes de façon pour chaque. La petite frappa des mains de joie. Vrai? Je gagnerai de l'argent? Le crabiot gagnera de quoi donner du pain à son père et à sa mère. Je ne serai donc plus une bouche inutile. Il y a longtemps que tu ne l'es plus, dit son père, et que tu es devenu une bénédiction pour toute la famille, comme le capitaine Jacques l'avait si bien prédit. La fabrique de jouets au crabe diligent. Les jours suivants, la pauvre cabane devint un vrai atelier de fabricants de jouets. Tout le monde voulut s'en mêler. Sous la direction du capitaine, Antime se mit à tailler les coques des navires, la mère à ourler les voiles, les garçons à peindre et à faire des avirons. Le crabiot avait l'œil et la main à tout et se chargeait de tout ce qu'il y avait de plus difficile. Avec une pareille activité, l'argent ne tarda pas à arriver et la famille se trouva dans une aisance que jusque-là, elle n'avait jamais connue. Quelques années plus tard, vous auriez pu voir, à la place de la pauvre cabane, une jolie boutique de jouets, bien achalandée, ayant cette enseigne bizarre. Au crabe diligent. Le dimanche, la boutique était fermée, et on voyait sortir pour se rendre à la promenade une jeune fille, très modestement, mais très bien mise, qu'on poussait dans une petite voiture. C'était tantôt un vigoureux petit garçon, tantôt un vieux monsieur dont la tenue dénotait un ancien marin qui conduisait la jeune infirme. Ils se disputaient cet honneur car tous deux avaient une adoration pour elle. Le petit garçon était Pierre, son plus jeune frère, presque son enfant, puisqu'elle s'en était toujours occupée depuis sa naissance. Quant au vieillard, c'était notre brave capitaine Jacques, qui recevait maintenant une douce récompense de tout ce qu'il avait fait pour sa filleule. Grâce à l'adresse et à l'activité de cette jeune fille, grâce surtout à l'excellente influence qu'elle exerçait autour d'elle, toute cette famille vivait heureuse et contente. La mère Rose tenait le ménage. Quelques-uns des frères étaient bien placés et les autres travaillaient aux jouets sous la direction du père qui ne pouvait assez chérir et remercier sa précieuse fille Jeanne, si longtemps nommée le crabiot.